Le testament de John Marchmont par Marie-Elisabeth Braddon. Tome 2, chapitre 1, face à face. Il n'est pas facile de s'imaginer qu'un jeune et bouillant officier de cavalerie, dont la belle conduite dans le Punjab ait mérité des éloges de Napier et d'Outram, puisse s'évanouir comme l'héroïne d'un roman en apprenant de mauvaises nouvelles. Mais Edward Arundel, qui n'avait quitté son lit de malade que pour faire un long et pénible voyage, contrairement à l'avis des médecins, ne fut pas assez fort pour supporter la lecture de cette terrible affiche collée aux portes de Marchmont Towers. Il chancela, et il serait tombé si les bras étendus du valet de confiance de son père n'avaient pas été heureusement à la portée de le recevoir et de le soutenir. Mais il ne perdit pas connaissance. « Mettez-moi dans la voiture, Morrison, » cria-t-il. « Conduisez-moi vers cette maison là-bas. On a torturé et tourmenté ma femme pendant que j'étais étendu comme une bûche sur mon lit à Dangerfield. Au nom du ciel, conduisez-moi là-bas aussi vite que vous pourrez. » Morrison avait lu le placard collé au pilier par-dessus l'épaule de son jeune maître. Il souleva le capitaine, le mit dans la voiture, cria au postillon d'avancer et s'assit à côté du jeune homme. « Je vous demande pardon, monsieur Edward, » dit-il avec douceur, « mais cette jeune dame peut avoir été retrouvée à l'heure qu'il est. Cette affiche est collée là depuis plus d'un mois, voyez-vous, monsieur, et il est plus que probable que Miss Marchmont est revenue il y a longtemps. » Le malade passa sa main sur son front, d'où découlaient de grosses gouttes de sueur froide. « Donnez-moi un peu de brandy, » murmura-t-il. « Faites-moi avaler un peu de brandy, Morrison, si vous avez quelque compassion pour moi. Il faut que je prenne des forces pour la lutte que je vais avoir à soutenir. » Le valet tira de sa poche une petite bouteille recouverte en osier, et on mit le goulot aux lèvres d'Edward Arundel. « Il se peut qu'on l'ait trouvé, Morrison, » murmura le jeune homme, après avoir avalé une bonne gorgée du spiritueux réconfortant. Il aurait volontiers bu du feu dans son désir de se procurer la force dont il avait besoin en cette crise. « Oui, vous avez raison. Il se peut qu'on l'ait trouvé. Mais dire qu'elle était poussée à fuir de chez elle, dire que ma pauvre et tendre jeune femme a été forcée de quitter une seconde fois la maison qui est à elle, oui, à elle, en vertu de la loi et de son droit. Oh, l'implacable démon, l'impitoyable démon, quel peut être le motif de sa conduite? Est-ce la folie ou la cruauté infernale du génie du mal incarné ?» Morrison pensa que le cerveau de son jeune maître avait été dérangé par le choc qu'il venait de subir et que ses folles paroles n'étaient que du délire. « Du courage, monsieur Edward, du courage, » murmura-t-il avec douceur. « Vous pouvez y compter. La jeune dame aura été retrouvée. » Mais Edward n'était pas dans une situation d'esprit à écouter les consolantes remarques de son valet. Il avait mis la tête à la portière et ses yeux étaient fixés sur les fenêtres faiblement éclairées du salon occidental. Le salon dans lequel John, Polly et moi, nous avions coutume de nous réunir à mon premier retour de l'Inde, murmura-t-il, comme nous étions heureux, comme nous étions heureux. La voiture s'arrêta devant le portique en pierre, et le jeune homme en descendit de nouveau avec l'aide de son domestique. Sa respiration était oppressée maintenant qu'il se trouvait sur le seuil. Il écarta le valet qui vint ouvrir la porte familière au coup de sonnette, et il pénétra dans le vestibule. Un feu était allumé dans le vaste foyer, mais l'atmosphère de la grande chambre d'allée était humide et froide. Le capitaine Arundel fut tout droit à la porte du salon occidental. C'était là qu'il avait vu de la lumière aux fenêtres, c'était là qu'il comptait trouver Olivia Marchmont. Il ne se trompait pas. Une lampe à abat-jour brûlait faiblement sur une table près du feu. Il y avait à côté de cette table un fauteuil de malade, un livre ouvert sur le plancher et un châle indien, cadeau fait par lui à sa cousine, jeté négligemment sur des oreillers. Le feu, mal entretenu, était presque éteint dans la vieille grille de forme antique, et au-dessus de la pâle lueur que projetait le foyer, se dessinait la silhouette d'une femme grande, noire et d'un aspect sombre. C'était Olivia Marchmont, dans son vêtement de deuil qu'elle avait, sauf un intervalle de quelques jours, constamment porté depuis la mort de son mari. Son profil était tourné vers la porte par laquelle Edward Arundel entra dans le salon. Ses yeux étaient rivés sur le tas de cendres de la grille. Même à cette lueur douteuse, le jeune homme put voir que les traits de sa cousine étaient amaigris et qu'un froncement habituel avait contracté ses sourcils noirs et roides. Dans cette attitude immobile, dans cette pose dont la tranquillité ressemblait à la mort, cette femme avait l'air d'une vestale coupable, forcée malgré elle de veiller sur un feu sacré et songeant tristement à ses fautes. Elle n'entendit pas le bruit que fit la porte en s'ouvrant. Elle n'avait pas même entendu celui des sabots des chevaux ou le craquement des roues sur le gravier devant la maison. Il y avait des moments chez elle où le sens des choses extérieures était pour ainsi dire suspendu et absorbé par l'intensité de son désespoir obstiné. « Olivia !» dit le soldat. Mrs. Marchmont releva la tête au son de cette voix accusatrice, car Edward Arundel mit dans la simple prononciation de ce nom quelque chose qui ressemblait à une accusation ou à une menace. Elle le regarda, la terreur peinte sur sa figure, et la vue de ce visiteur inattendu lui fit l'effet d'une apparition. Ses joues pâles, ses lèvres tremblantes et ses yeux dilatés n'auraient pas mieux exprimé une horreur complète si le jeune homme qui était tranquillement debout devant elle eût été un cadavre tout récemment sorti de la tombe. « Olivia Marchmont, » dit le capitaine Arundel après une courte pause, « je suis venu ici pour y chercher ma femme. » La femme passa ses mains tremblantes sur son front, écartant les cheveux noirs qui couvraient ses tempes et regardant toujours avec la même épouvante la figure de son cousin. Plusieurs fois, elle essaya de parler, mais les syllabes expirèrent dans son gosier en son rauque et inarticulé. Enfin, les paroles se firent jour avec un grand effort. « Je ne comptais pas vous revoir, » dit-elle. « J'ai appris que vous étiez très malade, j'ai appris que... Vous avez appris que j'étais mourant, » interrompit Edward Arundel, « ou que si je vivais, je traînerais péniblement le reste de mon existence dans un état d'idiotisme incurable. Les médecins aussi avaient cette pensée, il y a une semaine, mais l'un d'entre eux, plus habile que les autres, je pense, a eu le courage de tenter une opération qui m'a rendu la raison. La mémoire et mon bon sens me sont revenus par degrés. Le voile épais qui me cachait le passé a été déchiré, et la première image qui s'est offerte à moi a été celle de ma jeune femme, telle que je l'avais vue dans la soirée de notre séparation. Pendant plus de 3 mois, j'étais mort. Je suis revenu soudain à la vie. J'ai demandé à ceux qui m'entouraient des nouvelles de ma femme. Avait-elle cherché à me retrouver? M'avait-elle rejoint à Dangerfield? Non, ils n'ont su rien me dire. Ils m'ont cru dans le délire. Ils ont essayé de me calmer avec des paroles compatissantes, des mensonges dictés par la pitié et la promesse que je reverrais ma bien-aimée. Mais j'ai bientôt deviné le secret qu'ils me cachaient avec peine. J'ai vu la pitié et l'étonnement sur le visage de ma mère, et je l'ai suppliée d'avoir compassion de moi et de m'avouer la vérité. Elle a eu compassion, elle m'a dit tout ce qu'elle savait, ce qui n'était pas grand-chose. Elle n'avait jamais entendu parler de ma femme, elle n'avait jamais su mon mariage avec Mary Marchmont. La seule communication qu'elle eut reçue de ses parents de Lincolnshire avait été une lettre de mon oncle Hubert en réponse à la sienne, qui lui annonçait mon état désespéré. Tel a été le choc qui m'a sailli quand je suis revenu à la vie et aux souvenirs. Je n'ai pu supporter d'être emprisonné dans un lit de malade. J'ai senti qu'il me fallait une seconde fois me lancer dans le monde à la recherche de ma chère femme, et en dépit des médecins, malgré les supplications de ma pauvre mère, qu'il s'est figuré que mon départ de Dangerfield était un suicide. Je suis venu ici. C'est ici que je viens tout d'abord chercher ma femme. J'aurais pu m'arrêter à Londres pour voir Richard Paulet. J'aurais pu me procurer plus vite des nouvelles de ma bien-aimée, mais je suis venu ici. Je suis venu sans m'arrêter en route, parce qu'un instinct plus fort que moi, une impulsion non réfléchie, m'a dit que c'était ici que je devais venir la chercher. Me voici, moi, son mari, son seul défenseur légitime, et malheur à ceux qui se mettront entre ma femme et moi. » Il avait parlé rapidement dans son animation, et il s'arrêta, épuisé par sa véhémence, et tomba lourdement sur une chaise auprès de la table éclairée par la lampe et à quelques pas seulement de la veuve. Alors, pour la première fois depuis qu'il était là, Olivia Marchmont vit complètement la figure de son cousin et le terrible changement qui s'était opéré dans le beau soldat depuis cette belle matinée du mois d'août où il était parti de Marchmont Towers. Elle vit les traces d'une longue et terrible maladie, traces tristement visibles sur son teint jaune, ses joues creuses, ses yeux ternes et ses lèvres pâles et sèches. Elle vit tout cela, cette femme, dont le seul grand péché avait été d'aimer cet homme avec folie, avec rage malgré la voix de sa conscience, malgré sa fierté native. Elle vit le changement qui avait fait du jeune Apollon un invalide brisé et tremblant, et cette vue produisit-elle en elle un revirement de sentiments Une transformation pareille opérée dans son cœur vint-elle lui prouver la bassesse de son amour? Non, mille fois non. Il n'y eut aucun tressaillement de dégoût, quelque passager qu'il pût être. Il n'y eut pas même un frisson de surprise douloureuse, une angoisse de regret de femme, non. Au lieu de ces émotions, un sentiment de tendresse passionnée surgit dans l'âme hautaine de cette femme, et les ténèbres de son esprit furent envahies par un flot de compassion soudaine. Elle aurait voulu se jeter à genoux aux pieds du malade et s'humilier par amour. Elle aurait voulu lui crier tout haut au milieu de sanglots passionnés « Oh, mon amour, vous m'êtes 100 fois plus cher après ce cruel changement. Ce n'étaient pas vos beaux yeux bleus brillants, ni votre chevelure brune. Ce n'était pas votre belle figure, votre noble tournure de soldat que j'aimais. Mon amour n'était pas vil à ce point. Je me suis infligé un cruel outrage à moi-même. Quand j'ai cru que j'étais follement éprise d'une belle figure, quelque mauvaise que j'ai été, mon amour, du moins, a été pur. Mon amour est pur, quoique je sois vil. Je ne le calomnierai plus jamais, car je sais maintenant qu'il est immortel. » Dans la violence soudaine de ce flux d'amour et de tendresse, toutes ces pensées traversèrent l'esprit d'Olivia Marchmont. Au milieu de tous ses péchés et de son désespoir, elle n'avait jamais été aussi vraiment femme que maintenant. Elle n'avait peut-être jamais été aussi près d'être une bonne femme qu'elle était en ce moment. Mais ses tendres émotions furent chassées loin d'elle l'instant d'après par les premières paroles d'Edward Arundel. « Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question » dit-il. Elle reprit cette attitude droite et roide qui lui était devenue presque habituelle. Toute trace de sentiment féminin s'effaça de sa figure, aussi rapidement que le soleil disparaît derrière le nuage noir qui le cache tout à coup. « Quelle question ?» demanda-t-elle avec une indifférence glacée. « La question qui m'a fait venir dans le Lincolnshire, la question qui m'a poussé à exposer ma vie, peut-être, » s'écria le jeune homme. « Où est ma femme ?» La veuve se tourna vers lui avec un horrible sourire. « Je n'ai jamais appris que vous fussiez mariée, » dit-elle. « Qui est votre femme ?»« Mary Marchmont, la maîtresse de cette maison. » Olivia Marchmont ouvrit de grands yeux et le regarda avec une surprise à demi sardonique. « Ce n'était donc pas une fable ?» dit-elle. « Qu'est-ce qui n'était pas une fable ?» La malheureuse jeune fille disait donc vrai, quand elle avouait que vous l'aviez épousée dans quelque église écartée de Lambeth. « Vrai ? Oui, elle disait vrai !» s'écria Edward Arundel. « Qui a osé dire qu'elle pouvait avouer autre chose que la vérité ? Qui a osé ne pas la croire ?» Olivia Marchmont sourit de nouveau. Ce fut le même sourire horrible, presque trop horrible pour un être humain, quoiqu'il ne manquât d'une certaine grandeur sombre et triste. Satan, l'étoile du matin, devait sourire ainsi lorsque, dans son désespoir, il défiait l'archange Saint-Michel. « Malheureusement, dit-elle, personne n'a cru la pauvre enfant. Son histoire était tellement absurde, il n'avait aucune preuve pour lui donner du poids. Oh mon Dieu !» s'écria Edward Arundel, joignant les mains au-dessus de sa tête, dans le paroxysme de la fureur et du désespoir. « Je vois tout ce qui s'est passé, je vois tout !» Ma bien-aimée a été poussée par les tortures à recourir à la mort. Olivia, ajouta-t-il, êtes-vous possédée de 1000 démons? Ne vous reste-t-il donc dans le cœur aucun sentiment de compassion? S'il y a en vous une seule étincelle de pitié féminine, je lui fais appel. Je vous demande ce qu'est devenue ma femme. Ma femme, ma femme. La répétition de ce mot familier était pour Olivia Marchmont comme un coup de poignard perpétuel sur une blessure saignante. Chaque coup frappait l'endroit sensible et infligeait la même agonie. « L'affiche collée sur les portes de cette maison peut vous en dire aussi long que j'en sais, » répondit-elle. La pâleur de spectre du jeune soldat lui révéla qu'il avait vu l'affiche dont elle parlait. « On ne l'a donc pas retrouvée, » dit-il d'une voix rauque. « Non. Comment a-t-elle disparu ?»« Comme elle disparut dans la matinée où vous vous mîtes à sa recherche. » Elle s'éloigna de la maison sans laisser cette fois ni lettre, ni message, ni explication d'aucune sorte. Ce fut au milieu du jour qu'elle sortit. Pendant quelque temps, son absence n'alarma personne, car elle avait l'habitude de se promener seule au dehors quand cela lui plaisait. Mais après plusieurs heures de disparition, on s'occupa d'elle et on la chercha avec inquiétude de tous côtés. Où ? Partout où elle avait coutume d'aller dans ses promenades, dans le parc, dans le bois, le long du sentier, sur le bord de l'eau, à la ferme de Pollard, à la maison de Hester, à Camberling, dans tous les endroits où on pouvait raisonnablement supposer qu'il y eut chance de la trouver. et toutes ses recherches furent sans résultat, sans résultat. « Pourquoi s'éloigna-t-elle d'ici ? Que Dieu vous protège, Olivia Marchmont, si c'est votre cruauté qui a causé son départ. » La veuve ne prit pas garde à la menace que renfermaient ces paroles. Y avait-il sur terre quelque chose qu'elle pût craindre maintenant ? Non, rien. N'avait-elle pas enduré sa dernière douleur, il y avait longtemps, en endurant le mépris d'Edward Arundel ? Elle n'avait pas peur d'une lutte avec cet homme, ou avec n'importe qui au monde. Elle n'avait pas même peur du monde entier ligué contre elle. Elle braverait, s'il le fallait. Parmi tous les tourments de ces sombres profondeurs où était descendue son âme, la peur n'existait pas. Cette lâcheté n'est connue que des gens riches et prospères qui ont quelque chose à perdre. Cette femme était par nature indomptable et résolue, comme le héros de quelques poèmes classiques. Mais dans son désespoir, elle avait le courage terrible et insouciant du loup que la faim talonne. La main de la mort pesait sur sa tête, peu lui importait la manière dont elle mourrait. « Je vous suis très reconnaissante, Edward Arundel, dit-elle avec amertume, de la bonne opinion que vous avez toujours eue de moi. Le sang des Dangerfield d'Arundel a dû, je m'imagine, être souillé par quelques gouttes de poison, avant de donner naissance à une vile créature comme moi, et pourtant, j'ai toujours entendu dire que ma mère était une bonne femme. » Le jeune homme se tordit d'impatience sous la torture que lui faisaient éprouver les paroles réfléchies de sa cousine. Ce délai insupportable ne toucherait-il donc jamais à sa fin ? Même maintenant, maintenant qu'il était dans cette maison, face à face avec la femme qu'il était venu questionner, il semblait qu'il n'obtiendrait jamais des nouvelles de sa femme. C'était ainsi que bien souvent dans ses rêves, alors qu'il commandait une colonne d'attaque contre les Afghans, que les échelles de l'assaut étaient dressées contre le mur, et que ses hommes étaient derrière lui à le pousser vers l'ennemi, il s'était senti paralysé, immobile, et tenant dans sa main sans vigueur son sabre qui tremblait comme un jonc au vent. « Au nom du ciel, Olivia, ne jouons pas avec les mots, pas de paroles inutiles entre nous, » s'écria-t-il. « Si ma femme a souffert par vous ou par quelque autre personne, le règlement des comptes sera terrible. Mais nous aurons le temps de parler de cela plus tard. Vous avez devant vous un homme qui sort de la tombe où il est resté couché plus de 3 mois, aussi mort pour le monde et tout ce qu'il aimait, que si le De Profundis eût été chanté autour de son cercueil. Cet homme vous demande compte de ce qui s'est passé dans cet intervalle. Si vous transigez avec lui, si vous le trompez, il en conclura que vous craignez d'avouer la vérité. » Craindre ? Oui, il y a de quoi, si vous avez maltraité Mary Arundel. Pourquoi a-t-elle quitté cette maison ? Parce qu'elle ne s'y trouvait pas bien, je suppose. Elle s'enfermait dans sa chambre et refusait de se laisser gouverner, diriger ou consoler. « J'ai essayé de faire mon devoir envers elle, oui !» s'écria Olivia Marchmont, élevant tout à coup la voix, comme si elle eût été contredite avec véhémence. « Oui, j'ai essayé de faire mon devoir envers elle. J'insistais pour qu'elle écoutât la voix de la raison. Je l'ai supplié de renoncer à ce niais mensonge d'un mariage avec vous à Londres. »« Vous n'avez pas cru à ce mariage ?»« Non, » répondit Olivia. « Vous mentez !» s'écria Edward Arundel. « Vous saviez bien que la pauvre enfant disait la vérité. » Vous la connaissez, vous me connaissez, moi aussi, assez bien pour être sûr que je ne l'aurais pas retenue loin de chez elle une heure, un seul instant, si ce n'avait été pour en faire ma femme et me donner le droit de l'aimer et de la défendre. Je ne savais rien de tout cela, capitaine Arundel. Vous aviez eu bien soin de me cacher vos secrets, Mary et vous. Je ne savais rien de vos plans, de vos intentions. J'aurais pensé qu'un Dangerfield Arundel regarderait comme une souillure à son honneur un mariage secret avec une héritière bien loin de sa majorité et confié légalement à sa belle-mère, chargée du rôle de tutrice. Je ne crus donc pas à l'histoire que me raconta Mary Marchmont. Une autre personne, beaucoup plus expérimentée que moi, ne crut pas non plus au motif par lequel la malheureuse jeune fille expliquait son absence. Une autre personne, quelle autre personne ? Monsieur Marchmont ? Oui, Paul Marchmont, le cousin germain de mon mari. Un cri de rage et de douleur s'échappa tout à coup des lèvres d'Edward Arundel. « Oh mon Dieu » s'écria-t-il. « L'avertissement contenu dans la lettre de John Marchmont n'était donc pas sans fondement, et moi qui en riais, moi qui me moquais des craintes de mon pauvre ami ?» La veuve regarda son parent avec un étonnement muet. « Paul Marchmont a-t-il mis les pieds ici » demanda-t-il. « Oui. À quelle époque ? Il est venu souvent, il vient constamment. Il habite Camberling depuis ces 3 derniers mois. Pour quel motif ? Pour son plaisir, je pense, répondit Olivia avec hauteur. Ce n'est pas mon affaire de sonder les motifs de M. Marchmont. M. Edward Arundel grinça des dents dans un accès de fureur impossible à réprimer. Ce n'était pas contre Olivia, c'était contre lui-même qu'il était furieux cette fois-ci. Il se haïssait pour la folie arrogante, la présomption obstinée avec laquelle il avait ridiculisé et traité à la légère les craintes vagues que causait à John Marchmont son cousin Paul. Ainsi donc, cet homme est venu ici ? Il y vient constamment ? Murmura-t-il. Évidemment, il est tout naturel qu'il se tienne dans le voisinage. Et vous êtes sans doute bons amis, vous et lui ? Ajouta-t-il en se tournant vers Olivia. Bons amis, pourquoi ? Parce que vous haïssez tous deux ma femme. Que voulez-vous dire ? Vous la haïssez tous deux, vous, parce que vous enviez bassement sa fortune, parce que vous êtes jalouse de ses droits plus forts que les vôtres, qui vous ont été relégués au deuxième plan dans cette maison, peut-être aussi. Non, il n'y a plus d'autre motif à votre haine. Et Paul Marchmont, parce qu'elle l'empêche d'hériter d'un beau domaine. Que Dieu la protège, que Dieu protège ma pauvre, douce et innocente bien-aimée. À coup sûr, le ciel a dû avoir pitié d'elle pendant que son mari était absent. Le jeune homme laissa couler les larmes qui l'aveuglaient. C'étaient les premières qu'il versait depuis qu'il avait quitté son lit, ou bien des gens le regardaient comme déjà mort pour se mettre à la recherche de sa femme. Mais ce n'était pas le moment de pleurer et de se lamenter. La froide détermination succéda bientôt à la tendre pitié et à l'amour compatissant. C'était le moment de la résolution et de la promptitude. « Olivia Marchmont, dit-il, il y a eu quelque lâcheté au fond de tout ceci. Ma femme est absente depuis un mois, et pourtant, quand j'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé ici pendant ma maladie, elle n'a rien pu me dire. Pourquoi ne lui avez-vous pas annoncé la fuite de Marie ? Parce que Mrs. Arundel ne m'a jamais fait l'honneur de cultiver mon amitié et d'établir de l'intimité entre nous. Mon père écrit de temps en temps à sa belle-sœur. Moi, je n'écris presque jamais à ma tante. En outre, votre mère n'avait jamais vu Mary Marchmont. Il n'y avait pas à compter qu'elle prît beaucoup d'intérêt à sa manière d'agir. Je n'avais donc aucune raison pour envoyer une lettre particulière annonçant le chagrin qui m'était survenu. Vous auriez pu écrire à ma mère au sujet de mon mariage. Vous auriez pu vous adresser à elle pour avoir la confirmation de l'histoire à laquelle vous ne croyez pas. Olivia Marchmont sourit. L'aurais-je reçu, cette confirmation ? Dit-elle. Non. J'ai vu les lettres de votre mère à mon père. Il n'y a pas question de mariage, pas question de Mary Marchmont. Cela seul aurait suffi pour confirmer mon manque de croyance. Était-ce chose raisonnable que de m'imaginer que vous vous seriez marié sans faire part à votre mère de cet acte important de votre vie ? Oh mon Dieu, viens à mon aide ! S'écria Edward Arundel en se tordant les mains. Il me semble que ma folie, mes viles tergiversations, ont amené ce malheur sur la tête de ma femme. Olivia Marchmont, ayez pitié de moi. Si vous haïssez cet enfant, votre haine doit être satisfaite à l'heure qu'il est. Elle a assez souffert. Ayez pitié de moi. Aidez-moi s'il vous reste quelques sentiments. Elle a quitté cette maison parce que la vie lui était insupportable ici, parce qu'elle voyait qu'on doutait d'elle, qu'on ne la croyait pas, et qu'elle se trouvait dans le premier mois de son mariage veuve, complètement abandonnée et sans amis. Une autre femme aurait enduré toutes ces misères. Une autre femme aurait su faire valoir ses droits et se défendre au milieu de sa désolation et de sa douleur. Mais ma pauvre femme est une enfant, une toute petite enfant, en ce qui concerne l'expérience du monde. Comment pouvait-elle se protéger elle-même contre ses ennemis ? Son seul instinct a été de fuir ses persécuteurs, de se dérober au regard de ceux qui lui jetaient le doute et le déshonneur à la face. « Je comprends tout maintenant, je comprends tout !» Olivia Marchmont, cet homme, Paul, a de bonnes raisons pour être misérable. Les motifs qui ont pu vous pousser à mal faire sont peu de choses en comparaison des siens. Il joue, je crois, un jeu infâme, mais il joue pour un enjeu considérable. Un enjeu considérable ? N'avait-elle pas joué son âme à ce coup de dé ? N'avait-elle pas risqué son bonheur éternel à ce jeu de hasard ? Aidez-moi donc, Olivia, dit Edward. D'un ton de supplication, aidez-moi à retrouver ma femme. Expiez le mal que vous avez pu faire par le passé, il n'est pas trop tard. Sa voix s'adoucit en parlant. Il se tourna vers elle, les mains jointes, et attendit une réponse avec anxiété. Peut-être cet appel fut-il le dernier de son bon ange, qui essayait de la sauver des mains des démons. Mais les démons étaient maîtres d'elle depuis trop longtemps. Ils se levèrent en elle, arrogants, sans pitié, et l'endurcirent contre cette voix suppliante. « Comme il l'aime !» se dit Olivia Marchmont. « Comme il l'aime ! Pour elle, il consent à s'humilier devant moi. » Ensuite, sans qu'il y eût dans sa voix ou dans ses manières le moindre changement favorable, elle dit résolument « Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai déjà dit. L'affiche que vous avez vue à la porte du parc en sait aussi long que moi. » Mary Marchmont s'enfuit. On la chercha de tous côtés, mais sans succès. « Monsieur Marchmont, qui est un homme du monde et plus capable que moi de faire pour le mieux en un cas pareil à celui-ci, conseilla d'envoyer chercher Monsieur Paulette. On écrivit donc à l'avoué. Il vint et fit faire de nouvelles recherches. Il fit aussi imprimer une affiche qu'il répandit dans le pays. Des annonces furent insérées dans le Times et dans d'autres journaux, pour une raison quelconque que j'ai oubliée. Le nom de Mary Marchmont ne figura pas dans ces annonces. Elles furent conçues de telle sorte que la publication du nom n'était pas nécessaire. Edward Arundel passa la main sur son front. « Richard Paulette est venu ici ?» murmura-t-il à voix basse. Il avait toute confiance en l'avoué, et un froid mortel le glaça à la pensée que cet homme de loi, à tête calme, n'avait pas réussi à découvrir l'absente. « Oui, il est resté ici 2 ou 3 jours, et il ne peut rien faire, rien que ce que je vous ai dit. » Le jeune homme glissa sa main sous son gilet pour étouffer les cruels battements de son cœur. Une terreur soudaine s'était emparée de lui, une horrible peur de ne plus jamais revoir la figure de sa jeune femme. Pendant quelques minutes, il y eut dans la chambre un silence de mort, interrompu seulement une fois ou deux par les cendres qui tombaient de la grille. Le capitaine Arundel était assis, la figure cachée derrière sa main. Olivia était toujours, comme l'avait trouvé son cousin en entrant dans la salle, droite, sombre, et à côté de la cheminée à l'antique. « Il y avait quelque chose sur cette affiche, » dit enfin le soldat, d'une voix rauque et altérée. « Il y avait quelque chose ayant trait à l'apparition de ma femme sur le bord de l'eau où elle était vue pour la dernière fois. Qui l'y a vue ?»« Monsieur Weston, médecin Kemberling, beau-frère de Paul Marchmont. N'a-t-elle pas été vue par d'autres personnes ? Si, elle a été vue à peu près à la même heure, un peu plus tôt ou un peu plus tard, je ne sais au juste, par l'un des valets de ferme du fermier Pollard. » Et elle n'a plus été vue depuis, jamais, c'est-à-dire que nous n'avons pas entendu dire que quelqu'un l'eût aperçu. À quelle heure de la journée l'a vu ce monsieur Weston ? Vers le crépuscule, entre 5 et 6 heures. Edward Arundel porta tout à coup la main à sa gorge comme pour en chasser une sensation pénible qui l'empêchait de parler. « Olivia, dit-il, ma femme a été vue en dernier lieu sur le bord de la rivière. Quelqu'un a-t-il pensé que par quelque déplorable accident, par quelque terrible fatalité, elle s'égara dans les ténèbres et tomba à l'eau. Ou bien quelqu'un soupçonne-t-il ? Oh mon Dieu, ce serait trop horrible, qu'elle se soit noyée volontairement. » On a dit bien des choses depuis sa disparition, répondit Olivia Marchmont. Les uns supposaient ceci, les autres cela. Et on a supposé qu'elle s'était jetée à l'eau. Oui, bien des gens ont eu cette pensée. La rivière a été draguée pendant que M. Paulette était ici après son départ. Les hommes employés à ce travail ont dragué pendant plus d'une semaine. Et ils n'ont rien trouvé ? Rien. Y a-t-il eu quelque raison pour faire supposer que ma femme s'est jetée à l'eau ? Une seule, laquelle ? Je vais vous la montrer, répondit Olivia Marchmont. Elle tira un paquet de clés de sa poche et s'approcha d'un vieux bureau placé à l'autre extrémité de la chambre. Elle ouvrit la partie supérieure de ce bureau, tira l'un des tiroirs et prit quelque chose qu'elle apporta à Edward Arundel. Ce quelque chose était un petit soulier en peau brunie, décoloré par l'humidité et la mousse, et déformé d'un côté comme si celle qui l'avait porté eût fait beaucoup de chemin sans avoir l'habitude de la marche. Edward Arundel se souvint que dans cette courte lune de miel où ils avaient été heureux comme des enfants au petit village près de Winchester, il avait souvent ri de la tendance de sa femme à se promener dans des prairies humides avec des petits souliers délicats, qui était plutôt fait pour une salle de bal. Il se souvint qu'elle avait le pied si petit qu'il pouvait le prendre dans sa main. Ce faible petit pied se fatiguait facilement à errer sur les bords des ruisseaux à truites du Hampshire, mais il n'en avait pas moins héroïquement résisté à la fatigue tant que lui, son maître, avait eu la velléité de ne pas se reposer. Ceci a-t-il été trouvé sur le bord de l'eau ? Demanda-t-il, en regardant piteusement le soulier que Mrs. Marchmont avait mis dans sa main. « Oui, on l'a trouvé parmi les roseaux du rivage, à 1 mille au-dessous de l'endroit où M. Weston aperçut ma belle-fille. » Edward Arundel plaça le petit soulier dans son sein. « Je ne le croirais pas, » s'écria-t-il tout à coup. « Je ne croirais pas que ma chère bien-aimée soit perdue pour moi. Elle était trop bonne, beaucoup trop bonne, pour songer au suicide. » Et la Providence n'aura pas souffert que ma pauvre femme abandonnée en ait été réduite à aller chercher une triste mort dans cette affreuse rivière. Elle s'est enfuie pour se cacher parmi ceux qui auraient confiance en elle, en attendant que son mari va la chercher. Je croirais tout au monde, mais pas à sa mort, et tant que je n'aurai pas vu son cadavre, tant que ma main ne se sera pas posée sur son sein refroidi pour s'assurer que son cœur a cessé de battre, je ne croirais pas qu'elle se soit noyée. Il y a 4 mois, je partis d'ici pour me mettre à sa recherche. Je vais repartir de nouveau pour le même motif. Ma chère et innocente femme, j'irai jusqu'au bout du monde pour vous retrouver. » La veuve grinça les dents en écoutant les paroles passionnées de son cousin. Pourquoi la poussait-il toujours mal en faisant parade devant elle de son amour pour Mary ? Pourquoi la forçait-il à ne jamais oublier combien elle avait de motifs de haine contre la jeune héritière ? Le capitaine Arundel se leva et fit quelques pas en s'appuyant sur sa canne. « Vous coucherez ici ce soir, n'est-ce pas ? » dit Olivia Marchmont. « Couchez ici. » Son ton disait clairement qu'il avait une horreur profonde de la maison. « Oui, où iriez-vous donc si vous ne restez ici ? J'avais l'intention de m'arrêter à la première auberge venue. » « La première auberge se trouve à Kimberling. » « Cela ferait bien mon affaire, » répondit le jeune homme avec indifférence. « Il faut que je sois à Kimberling demain de bonne heure pour y voir Paul Marchmont. Je ne comprends encore rien à la fuite de ma femme, malgré ce que vous m'avez dit. C'est à Paul Marchmont que je vais m'adresser maintenant. Que Dieu le garde s'il essaie de me cacher la vérité. » « Vous verrez M. Marchmont ici aussi facilement qu'à Kimberling, » répondit Olivia. « Il vient tous les jours. Quoi faire ? Il a construit une espèce d'atelier de peinture sur le bord de la rivière et il dessine chaque fois qu'il fait du soleil. « Ah ! s'écria Edward Arundel. Il s'installe donc à Marchmont Towers comme chez lui. Il en a le droit, je suppose, reprit la veuve d'un air d'insouciance. Si Mary Marchmont est morte, la maison et la propriété sont à lui. Moi, je ne suis ici que momentanément. Il a pris possession alors? Au contraire, il s'y refuse. Et il fait bien. J'en atteste le ciel, s'écria Edward Arundel. Personne ne s'emparera de ce qui appartient à ma chère femme. Aucun infâme complot de ce misérable artiste ne la dépouillera de ce qui est à elle. Dieu sait que je ne tiens pas à la fortune, mais je me défendrai jusqu'à mon dernier soupir contre ceux qui voudront voler ma femme. Non, Olivia, je ne coucherai pas ici. Je n'accepterai pas l'hospitalité de M. Marchmont. J'ai beaucoup trop de soupçons sur lui. » Il se dirigea vers la porte, mais avant qu'il y fût arrivé, la veuve s'approcha de l'une des fenêtres et écarta les jalousies. « Écoutez comme il pleut, » dit-elle, « n'entendez-vous pas l'eau qui ruisselle sur les dalles ? Je ne mettrai pas un chien à la porte par une nuit pareille à celle-ci. Et vous, vous êtes si malade, si faible. Edward Arundel, me haïssez-vous donc au point de ne pas vouloir dormir sous le même toit que moi pour une nuit ?» Rien n'est difficile à croire pour un homme qui n'est pas fat comme la simple idée qu'il est aimé par une femme qu'il n'aime pas et laquelle il n'a jamais fait la cour en aucune manière. Sans cela, Edward Arundel eut certainement découvert le secret de sa cousine par suite de cette explosion de tendresse soudaine et du piteux appel qu'elle lui fit. Il ne découvrit rien, il ne soupçonna rien, mais il fut touché par le son de sa voix. Bien qu'il ne comprît rien à ce changement de langage, il répondit avec douceur. « Si vous le désirez réellement, Olivia, je resterai, soyez-en sûr. Je prends le ciel à témoin que je ne souhaite pas d'être en mauvais termes avec vous. J'ai besoin de votre aide, de votre pitié peut-être. Je suis tout disposé à croire que les paroles cruelles adressées par vous à Mary vous furent dictées par la mauvaise humeur du moment. Je ne puis me figurer que vous ayez un cœur vil. J'attribuerai même votre manque de croyance en la nouvelle de mon mariage que vous annonça ma pauvre femme à l'étroitesse des préjugés de la petite ville de province où vous avez été élevée. Soyons amis, Olivia. » Il lui tendit la main. Sa cousine y plaça le bout de ses doigts glacés. Il frissonna comme s'il se fût trouvé en contact avec un cadavre. Il n'y eut rien de bien cordial dans cette étreinte, Leurs mains retombèrent inertes en se séparant, comme pour témoigner d'une façon muette qu'entre ces deux personnes, toute sympathie, toute union, était impossible. Mais le capitaine Arundel accepta l'hospitalité de sa cousine. Il en avait réellement grand besoin, car il s'aperçut que son valet, content de le voir rester pour la nuit à Marchmont Towers, avait renvoyé la voiture à Swampington. Un plateau, chargé de viande froide et de flacons de vin, fut apporté au salon pour le jeune soldat. Il but un verre de madère et essayait d'avaler quelques bouchées pour ne pas être impoli à l'égard d'Olivia. Mais il mangea presque machinalement. Triste et silencieux, il réfléchissait à la terrible secousse qu'il venait d'éprouver et au mystère qui enveloppait les événements survenus pendant cet horrible intervalle de 3 mois, durant lesquels il n'avait pas plus été à même de défendre sa femme que s'il eût été mort. 100 fois, elle lui revint à l'esprit, et à chaque fois, avec une douleur nouvelle, la cruelle pensée que s'il avait écrit à sa mère pour lui raconter l'histoire de son mariage, ce qui était arrivé n'aurait jamais eu lieu. Mary aurait été protégée et abritée par une bonne femme au cœur aimant. Cette pensée, cet horrible remords, était la plus amère des douleurs pour le jeune homme. « C'est une punition trop grande, se dit-il. Je suis trop cruellement puni d'avoir tout oublié dans mon bonheur avec ma chère femme. » La veuve était assise dans une chauffeuse auprès du feu et fixait les yeux sur les charbons enflammés. La grille avait été regarnie et la lueur de la flamme du foyer mettait en relief les traits hagards d'Olivia Marchmont. Edward Arundel, échappant pour un moment à ses propres pensées, fut surpris du changement qui s'était opéré en quelques mois chez sa cousine. L'air de tristesse qu'il avait souvent remarqué sur sa figure était devenu son expression habituelle. Chaque ligne avait grossi comme si elle eût enduré 10 ans de fatigue au lieu de quelques mois seulement. Olivia Marchmont avait vieilli avant le temps, et ce n'était pas là le seul changement. Il y avait quelque chose d'indéfini et d'indéfinissable dans ses grands yeux gris lumineux, dans l'éclat, actuellement surnaturel, éveillé chez Edward Arundel un vague sentiment de terreur, une terreur qu'il ne voulait pas, qu'il n'osait pas, essayer d'analyser. Il se souvenait de la peur irréfléchie que Mary avait de sa belle-mère, et il s'en étonnait à peine maintenant. Il y avait quelque chose de magique, de surhumain, dans l'aspect de cette femme assise en face de lui autour du vaste foyer. Aucune couleur ne se voyait sur sa sombre figure. Une étrange lueur brillait dans ses yeux et les grands plis de sa robe noire n'avaient aucun éclat. « Je crains que vous n'ayez été malade, Olivia, » dit le jeune homme au bout d'un moment. Un autre sentiment avait pris naissance en lui côte à côte avec celui de la terreur vague. Il s'était figuré qu'il existait peut-être quelque motif pour lequel sa cousine était à plaindre. « Oui, » répondit-elle avec autant d'indifférence que si le sujet de conversation choisi par le capitaine Arundel n'eût pas porté sur elle. « Oui, j'étais très malade. J'en suis désolé. » Olivia le regarda et sourit. Son sourire était le plus étrange qu'il eût jamais vu sur une figure de femme. « J'en suis désolé. De quoi avez-vous souffert ?»« D'une fièvre lente, » a dit M. Weston. « M. Weston ?»« Oui, le beau-frère de M. Marchmont. » Il a pris la clientèle de M. Dornfield à Camberling. Il m'a soigné, ainsi que ma belle-fille. Ma femme a donc été malade. Oui, elle a eu une fièvre cérébrale dont elle s'est guérie, mais la force ne lui est pas revenue. Son abattement m'effraya et je crus bien faire. Ce fut aussi l'avis de M. Marchmont en consultant un médecin. Et que dit cet homme, ce M. Weston? Peu de choses. Il déclara que Marie n'avait rien. Il lui donna une potion, mais seulement pour fortifier son système nerveux. Mais toutes les potions du monde ne pouvaient faire aucun effet parce qu'elle s'obstinait à vivre seule dans sa chambre et à ne voir personne. Le jeune homme courba la tête. L'image de sa jeune femme désolée s'offrit à lui, et cette image la lui représentait triste et souffrante, se tenant à l'écart de ses persécuteurs, abandonnée, solitaire, désespérée. Pourquoi était-elle restée à Marchmont Towers? Pourquoi avait-elle consenti à y revenir après lui avoir redit 100 fois combien elle avait horreur de sa belle-mère? Pourquoi n'avait-elle pas plutôt suivi son mari dans le Devonshire? Pourquoi n'avait-elle pas réclamé la protection de ses parents? Était-il admissible que cette jeune femme aimante fût restée tranquillement dans le Lincolnshire, alors que l'homme qu'elle aimait avec tant de dévouement était dans l'ouest entre la vie et la mort? Elle est si enfant, se dit-il. Si enfant dans son ignorance du monde, je ne puis raisonner à propos d'elle comme à propos d'une autre femme. Puis, l'émotion fit affluer le sang à sa figure. Une idée nouvelle avait surgi dans son cerveau. Si on avait retenu la malheureuse jeune femme par force à Marchmont Towers, « Olivia !» s'écria-t-il. « De quelque bassesse que ce Paul Marchmont soit capable, vous du moins, vous êtes au-dessus de toute faute préméditée. J'ai cru en vous toute ma vie, et je vous ai respectée comme une honnête femme. Dites-moi la vérité, par pitié. Rien de tout ce que vous pourrez m'avouer ne remplira le vide qu'a fait dans ma vie cette horrible intervalle qui s'est écoulée depuis ma maladie. Mais vous pouvez me venir en aide. Quelques mots de vous peuvent dissiper les ténèbres. Comment avez-vous découvert ma femme? Comment l'avez-vous décidé à revenir ici? Je sais qu'elle avait une peur irraisonnée de revenir à Marchmont Towers. Je l'ai trouvée par l'intermédiaire de M. Marchmont, répondit tranquillement Olivia. J'ai eu quelques difficultés à la faire venir, mais après avoir appris votre accident. Comment lui apprit-on cette nouvelle? Elle apprit par un journal qu'un hasard malheureux lui fit tomber sous les yeux. À qui était ce journal? À M. Marchmont. Où cela se passa-t-il? Dans le Hampshire. Ah, Paul Marchmont était donc allé avec vous dans le Hampshire? Oui. Il me fut très utile dans cette crise. Après qu'elle eut vu le journal, ma belle-fille fut atteinte d'une fièvre cérébrale. Elle n'avait pas sa connaissance quand on l'a ramenée à Marchmont Towers. Ma vieille servante Barbara la soigna, et les meilleurs médecins furent mandés. Je ne crois pas qu'il fût possible de faire davantage. Non, répondit Edward avec amertume, à moins qu'elle n'eût été aimée par vous. On ne peut commander à ses affections, dit la veuve d'une voix dure. Une autre voix intérieure semblait lui dire tout bas. Pourquoi me reprochez-vous de ne pas avoir aimé ma belle-fille? Si vous m'eussiez aimé moi, le monde entier eût été différent. Olivia Marchmont, dit le capitaine Arundel, de votre propre aveu, vous n'avez jamais eu au cœur d'affection pour l'orpheline. Ce n'est pas mon affaire de m'appesantir sur ce fait qui est presque surnaturel, vu les circonstances particulières dans lesquelles cet enfant vous a été confié. Il est inutile que je cherche à comprendre pourquoi votre cœur a été fermé à ma pauvre femme. Ne parlons plus de cela. Mais je crois toujours que, quelle qu'eût été la nature de vos sentiments à l'égard de la fille de votre défunt mari, vous n'êtes coupable envers elle d'aucune trahison préméditée. Je crois cela de vous, mais non pas de Paul Marchmont. Cet homme est l'ennemi naturel de ma femme. S'il est venu ici pendant sa maladie, ça a été pour tramer quelque complot contre elle pour essayer de lui nuire. Elle est le seul obstacle entre lui et ce domaine. Il y a bien longtemps, à l'époque où j'étais un écolier insouciant, mon pauvre ami John Marchmont me dit que si jamais un jour venait où les intérêts de Mary seraient en lutte avec ceux de son cousin, cet homme serait pour elle un terrible et cruel ennemi, d'autant plus terrible peut-être qu'il saurait se donner les apparences de l'amitié. Le jour est venu, et moi qui avais reçu comme un legs sacré le soin de défendre l'héritière, je n'étais pas auprès d'elle. Mais j'ai quitté ce lit, que bien des gens croyaient devoir être mon lit de mort, et je suis venu avec une résolution indomptable, unique en moi. La résolution de trouver ma femme et de punir comme il le mérite l'homme qui lui a fait du tort. Le capitaine Arundel parlait à voix basse, mais sa colère n'en était pas moins terrible, parce qu'il supprimait les symptômes extérieurs qui la révèlent d'habitude. Il retomba dans le silence et la réflexion. Olivia ne répondit à rien de ce qu'il avait dit. Elle le regardait fixement, et sa figure trahissait une admiration respectueuse. Comme il était beau, ce jeune héros, même dans sa faiblesse et sa maladie. Comme sa figure rayonnait, sous l'éclat de ses beaux yeux bleus, où se lisaient un courage et un dévouement chevaleresque. L'horloge sonna 11 heures pendant qu'Edward et Olivia étaient assis en face l'un de l'autre, séparés seulement au physique, par la largeur du tapis du foyer, mais à 100 000 de distance par l'esprit. Et le jeune soldat fut arraché à sa triste rêverie. « Si j'étais un homme robuste, dit-il, je verrais Paul Marchmont ce soir, mais je suis forcé d'attendre jusqu'à demain matin. À quelle heure vient-il à son atelier de peinture ?»« À 8 heures, quand les matinées sont belles, mais plus tard, quand il fait mauvais temps. »« À 8 heures. »« Dieu veuille qu'il fasse beau demain. Dieu veuille que je n'ai pas longtemps à attendre avant de me trouver face à face avec cet homme. » Bonne nuit, Olivia. Il prit une bougie sur la table près de la porte et l'alluma presque machinalement. Il trouva Morrison qui l'attendait, à moitié endormi, dans une grande chambre à coucher où Edward Arundel n'avait jamais mis les pieds. Cette chambre à coucher était un sombre appartement meublé avec les splendeurs fanées du passé, et l'occupant avait le sommeil difficile. Il pouvait s'attendre à voir le fantôme d'une femme revêtue d'un linceul qui venait s'accroupir devant la cheminée et chauffer ses mains diaphanes à la flamme du foyer. « Ce n'est pas un endroit extraordinairement confortable après Dangerfield, » murmura le valet d'une voix mélancolique. « Et tout ce que je désire, monsieur Edward, c'est que les draps du lit ne soient pas humides. Je remue le feu et je le bourre de charbon depuis une heure. Il y a un lit pour moi dans le cabinet de toilette, à portée de la bois. » Le capitaine Arundel entendait à peine ce que son valet lui disait. Il était debout sur le seuil de la grande chambre et son regard plongeait dans un long corridor à plafond bas où il venait de rencontrer Barbara, la servante de confiance de Mrs. Marchmont, la femme à figure impassible et indéchiffrable qui, au dire d'Olivia, avait soigné Mary pendant sa maladie. Était-ce là la plus tendre des figures qui se penchait sur le lit où souffrait ma chère petite femme ? Se dit-il. J'aurais presque autant aimé qu'une goule eût été installée au chevet de ma bien-aimée.